Première série dans notre parloir cette semaine, eh bien il s'agit de la série Bodies. Netflix nous propose cette saison 1, une série de Paul Thomalin avec Amaka Okafor, Kael Soler, Jacob Fortune Loyne, une série de 8 épisodes de 60 minutes. Une série particulièrement intéressante car elle nous propulse dans le Londres des années 1890 et dans le quartier de Whitechapel. Un cadavre est retrouvé, nu. 1941, Londres, quartier de Whitechapel, un cadavre est retrouvé nu. 2023, toujours ce même quartier de Whitechapel, et toujours cet homme que l'on découvre nu. Et en 2053, le même corps est retrouvé nu, sans vie, au même endroit, dans la même position. Est-ce inexplicable ? À chaque époque, son détective... À chaque détective, son enquête, ses indices, ses pistes pour tenter d'élucider l'affaire. Un mystère qui interpelle le téléspectateur par son opacité et son étrangeté dès les premières minutes. Cette série est montée comme un puzzle en 8 épisodes et autant de pièces. Cette série est adaptée d'un roman graphique de C. Spencer qui date de 2014. Et franchement, vous allez passer un excellent moment avec ces allers-retours. Bien sûr, je pense à Laurent qui n'est pas fan non plus des séries avec des retours en arrière. Mais celui-ci est plutôt bien amené et pour nous faire mieux comprendre ces mystérieux corps, en anglais les bodies évidemment. C'est sur Netflix, 8 fois 60 minutes et c'était notre première série de ce parloir. Dans un autre style, je vous propose de découvrir Duna. C'est le nouveau K-drama romantique, toujours sur Netflix. Que feriez-vous si une star de K-pop devenait votre colocataire? Lorsque Lee Won-young rencontre la ravissante Bae Suzy, il est loin de se douter que sa vie s'apprête à être complètement bouleversée. Cette série adaptée du webtoon sud-coréen The Girl Downstairs, cette comédie romantique en 9 épisodes nous invite à suivre la vie tumultueuse d'une ancienne idole de la K-pop et de son nouveau colocataire un peu déconcerté par le train de vie de sa nouvelle amie. La série est l'œuvre de Lee Young-yo qui a notamment déjà réalisé Crash Landing on You. Bae Suzy, l'héroïne de Duna, est donc la pierre angulaire du groupe de K-pop Dream Suite, alors au sommet de sa gloire. Elle décide subitement de se retirer de l'industrie pour vivre dans une colocation située sur le campus d'une université. Elle va y rencontrer Ling Mondyong, un étudiant de première année qui ignore presque tout de la célébrité qui vient de s'installer en bas de chez lui. Au départ, leur relation sera loin d'être idyllique. Duna, d'ordinaire adorable aux yeux du public, va accuser faussement Ling Mondyong d'être un harceleur. Cependant, au fur et à mesure qu'ils apprennent à se connaître, l'ancienne star de la K-pop commence à apprécier sa nouvelle vie moins glamour et plus authentique. Ce qui distingue Duna des autres K-drama, puisque c'est une série coréenne évidemment, C'est sa capacité à aborder les dessous pas trop reluisants de la célébrité. Et Bei Suzy a révélé dans une interview que jouer le rôle de Duna lui avait permis de réfléchir sur son quotidien, pas toujours facile. La webtoon originale a été un immense succès, rassemblant des dizaines de millions de lecteurs. Néanmoins, la série parvient à créer sa propre identité, donc à découvrir sur Netflix. Et bien sûr, y aura-t-il une saison 2 ? On ne le sait pas encore. Mais en tout cas, on souhaite un grand, grand succès à la série Duna, que vous pourrez peut-être regarder pendant ces vacances d'Halloween, si vous avez la chance d'être en vacances. C'était Kylie Minogue avec Hold On To Know, le nouveau Kylie Minogue, pour nous faire un peu danser. Troisième de nos séries du parloir, et cette fois-ci elle est de circonstance, Mon Petit Côté Vampire, cette série qui va occuper toute la famille pendant les vacances. Avec Mon Petit Côté Vampire, on plonge tout de suite dans l'ambiance d'Halloween. Composée de 16 épisodes de 20 minutes chacun, cette série réalisée par Tommy Lynch est parfaite pour occuper les enfants, notamment les collégiens, durant les deux semaines de vacances. Actuellement, découvriront l'histoire de Carmi qui se réveille le jour de ses 13 ans avec d'étranges pouvoirs et de longues canines. Une façon brutale d'apprendre qu'elle est à la fois humaine et vampire. Carmi n'en reste pas moins une adolescente préoccupée par son apprentissage de la vie et par ses amitiés. Difficile d'être une ado comme les autres quand une poignée d'ennemis tente de nous faire la peau. Mon petit côté vampire a été diffusé dès cet été à la télévision canadienne et c'est au tour donc de nos adolescents à la découvrir grâce à Netflix. Ils y verront notamment Kaylin Angelique Chang dans la peau de Carmi, c'est son premier rôle dans une série. Elle retrouvera Nico Ceci qui lui a déjà prêté sa voix et ses talents d'acteur à plusieurs personnages télé. Alors cette série est donc a été diffusée au Canada d'un seul bloc, mais Netflix a décidé de la découper et d'en faire deux parties, donc soit deux saisons. Donc vous verrez les 8 premiers épisodes qu'ils ont diffusés depuis le 17 octobre. La suite arrivera un petit peu plus tard pour les 8 autres. Olivia Rodrigo avec Vampire, la chanson de circonstance aujourd'hui dans une version remix. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you want. Look at you, cool guy, got it. I see the parties in diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of poetry. So something in paradise, a walking tree. Gotta laugh at this. Love makes me real. Stays, but you make the worst. I look fine, I should have known it was strange. bienvenue au palais. Bienvenue dans notre palais, comme le dit naturellement le jingle, avec trois bandes annonces. Et quelle bande annonce cette semaine! Alors, tout d'abord, il faut parler de Squid Game, le défi, qui arrivera le 22 novembre sur Netflix. Et attention, là, quand j'ai vu cette bande annonce, je me suis dit, tiens, enfin, la saison 2 eh bien de Squid Game. Eh bien, non. Puisqu'en fait, Netflix a dévoilé cette semaine le trailer d'une série, mais télé-réalité, inspirée de la série coréenne Squid Game. Et donc, cette série sort le 22 novembre. 456 candidats s'affronteront pour gagner 4,56 millions de dollars. Les décors et les épreuves seront exactement les mêmes que ceux de la série. Seule différence, évidemment, personne ne va évidemment mourir. La bande annonce tout de suite. À tous les joueurs, il est l'heure de passer au jeu suivant. Yo, j'hallucine! Incroyable! Veuillez entrer dans la salle de jeu sans tarder. C'est quoi ça? Sérieux? C'est pas vrai! Que le jeu commence! I want to live. Ce jeu est vraiment cruel. Merde alors. Pour espérer l'emporter, il faut avoir une bonne stratégie. Je serai ton meilleur pote. Mais j'hésiterai pas à te trahir. On peut faire confiance à personne. Vous devez désigner deux joueurs à éliminer. Mec, c'est Squid Game. Mind-toi plutôt de l'écouler. On forme une bonne équipe. T'es le plus malin ici. J'ai l'impression que les gens commencent à se dévoiler vraiment. Qu'il y a tout de même 4 560 000 dollars à la clé. Et la cagnotte commence à se remplir. Vous êtes éliminé. C'est la série de Ça ira mieux demain, l'émission dont on parle depuis le début de l'année. On sait désormais que cette série sortira sur Netflix en janvier 2024. Un contrat de 200 millions d'euros, les showrunners de Game of Thrones, une série d'après un livre chinois au succès international fulgurant, Le problème à trois corps, raconte l'histoire d'une invasion extraterrestre pendant la révolution culturelle en Chine. On a eu déjà les premières images et les premières bandes annonces commencent à tourner sur la toile et franchement, ça promet. Tous les enfants ont peur du noir. Allez savoir ce qu'il s'y cache. L'inconnu est troublant. Certains disent que nous ne devrions pas y regarder de trop près. Ni chercher qui pourrait habiter ces ténèbres. Mieux vaut ne pas savoir. Mais mais nous poursuivons notre quête. La vie recherche la vie. Et attention, comment ne pas terminer avec, eh bien, la nouveauté de cette fin octobre. Depuis le 20 octobre, la nouvelle saison d'Elite est arrivée. En voici la bande-annonce. 1, 2... Cette école m'a fait trop de mal. Ça va ? Je t'aime énormément. Il faut qu'une des deux familles tombe pour en finir. On peut pas être ensemble. Je fais rien d'autre que ce que j'ai appris des meilleurs. De toi, maman. Ça va ? Tu préfères te faire du mal plutôt que venir nous demander de l'aide. Jusqu'à quand je vais faire des cauchemars et des putains de crises d'angoisse? Ce putain de nuage noir qui me poursuit dès le réveil. Et deux! Et un! Et deux! Si vous savez comment les affronter, tous les coups que vous pourrez recevoir vont devenir votre force. Y a rien de mieux qu'une petite fête pour changer les idées. Même si c'est seulement pour cacher qu'on est brisé au fond de nous. Il y a une super soirée qui n'attend plus que toi. T'en fais pas, ma belle. Ici, on est tous des stressés de la vie. Ed Sheeran pour poursuivre avec American Town. We were a long way from home. Haven't seen you in so long. But it all came back in one moment. And the years started cold. But I didn't notice it all. And we found there's a room we're both in. We get Chinese food in small white boxes. Live the life we saw in Friends. Your room, it barely fits the mattress. Wake up, leave for work again. The wind, it seems to blow right through us. Down jackets are the trend. The rusher rushing deep into love. English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. My English girl in an American town. C'en est fini pour Ça ira mieux demain, l'émission en formule vacances. On se retrouve bien sûr dans 15 jours. Et en attendant, je vous retrouve dans quelques instants pour la révélation du nouveau Hot 40. Prenez soin de vous et de vos proches. Profitez bien de vos congés si vous y êtes. Et puis à très vite. Bye bye. Drinking out of paper bags and wasting time is time not wasted. With my English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. My English girl in an American town. And when our eyes are closed together, I can't explain. And all your perfume takes me to a higher place. We can watch it unfold, but we can't change how it tastes. And rebuild when it breaks down. We drink Moscow mules and steal the cups from mostly the Bowery Bar. What a perfect day to fall in love on. What a way to make a start. It appears when you think all is lost, then you don't remember when it started. Never have to pretend. With my English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time. 3 feet off the ground. Lost in love and we don't.